Le destin dans ses spirales nous enseigne qu'aucune étoile ne vient sans attente, nulle aurore sans ténèbres. Devant toi j'ai ployé les genoux. Tu fus un trésor au cœur de la jungle, dans le jardin secret de mes songes, jadis fouetté par des lierres sacs, désormais un oasis au désert, où biches et coquillages viennent boire. Pourtant je connais tes motivations, tes peurs, tes routines, avec un compagnon de ton passé. Je ne comptais pas tomber amoureux, mais les baisers peignent de nouvelles toiles. Dans cette solitude, divinité ou silence, j'ai choisi de te donner mes battements. Trésor au cœur de la jungle, dans le jardin secret de mes songes, jadis fouetté par des lierres secs, désormais un oasis au désert, où biches et coquillages viennent boire. Pourtant je connais tes motivations, tes peurs, tes routines, avec un compagnon de ton passé. Je ne comptais pas tomber amoureux, mais les baisers peignent de nouvelles toiles. Dans cette solitude, divinité ou silence, j'ai choisi de te donner mes battements. Comptais pas tomber amoureux, mais les baisers peignent de nouvelles toiles. Dans cette solitude, divinité ou silence, j'ai choisi de te donner mes battements.